Chapitre 5e. Le combat dans l'île des ours. Où suis-je, grand Dieu? Où est Tom, mon mari? Ainsi criait, d'un accent à déchirer le cœur, une belle jeune femme en se levant à demi du luxuriant gazon où elle était couchée derrière un massif d'arbustes. Cette jeune femme, c'était Lottie Towners, l'infortunée que le sang mêlé Hankins avait ravie. Hankins, d'ailleurs, était là auprès d'elle, prêt à répondre à ses questions. « Où tu te trouves, belle Lottie? C'est dans l'île des ours que tu es en ce moment. Mais nous n'y sommes pas seuls. J'ai trouvé de bons camarades. C'est Jack Carters et ses gens sur qui nous sommes tombés. Et vous m'avez volé, enlevé à mon mari ?» s'écria Lottie en se levant tout à fait, en jetant des regards inquiets autour d'elle. « Misérable, ne craignez-vous pas le châtiment de Dieu ?» Pendant qu'elle prononçait ces paroles, le coup d'œil qu'elle avait jeté sur l'île l'avait convaincue que Hankins disait vrai. Tout autour étaient campés des gens à l'air farouche, des feux de bivouac brûlaient. Sur le Ruby Creek, c'était encore la nuit noire. « Tu es mienne maintenant, belle Lottie Towners, » reprit le sang mêlé, dardant le regard passionné de ses yeux noirs sur le doux visage de Lottie. « Qui pourrait t'arracher à moi maintenant? Allons, viens dans mes bras et reposons-nous ici sur cette herbe molle. » Il s'avançait vivement vers elle, les bras ouverts. Il allait la saisir et la presser contre sa poitrine, lorsque Lottie, fouillant dans un petit sac qu'elle portait à sa ceinture, en sortit un joli revolver qui brilla dans sa main. « Arrière, misérable lâche » cria-t-elle en avançant son arme jusqu'à toucher le front de Hankins. « Faites un pas de plus et je vous abats comme un chien enragé. Vous avez employé des artifices infernaux pour m'enlever à mon mari, mais il n'est pas dit que vos plans doivent réussir. Jamais je ne serai à vous. Arrière, vous dis-je, arrière ou je tire !» Hankins recula d'un pas mal assuré, car autant il était malin et rusé, autant il était lâche. Il suffisait d'un revolver, même dans la main d'une femme, pour l'emplir d'une belle frayeur. Des rires enroués retentissaient de tous côtés. Les bandits avaient observé cette scène, et particulièrement Jack Carters, qui s'amusait fort aux dépens de son ami, pendant que celui-ci revenait comme un barbet crotté à la place centrale du campement. « Tu n'as pas de chance en amour, ami Hankins, » dit le bandit à la barbe noire. « Tu as une fiancée, c'est vrai, mais au lieu de la douceur de ses lèvres, c'est de la poudre et des balles qu'elle veut te donner. On ne peut pas appeler ça une grande tendresse. « Tu es peut-être logé à meilleure enseigne, » riposta Hankins d'un air de dédain. « Où est ta belle Alice Enfield que tu as ravie à son père ? Tu t'es laissé rouler par la reine blanche des Ogalala. Elle t'a soutiré la fille, et je parie $500 que tu ne la reverras pas. « Crois-tu ? » reprit Carters avec dépit. « Tu te trompes. Alana m'a engagé sa parole qu'elle me renverrait Alice ce soir. Elle sait que j'attends la jeune fille dans l'île des ours et... « Ah ! Voilà le bruit du signal sur cette rive-là. C'est le messager d'Alana qui me ramène Alice. Regarde seulement l'eau, Hankins, et convainc-toi que la squaw blanche a tenu sa parole. » Au travers des vagues de la rivière, on voyait nager deux chevaux montés par deux cavaliers. Les animaux déployaient une énergie extraordinaire pour échapper au tourbillon de ce cours d'eau gonflée. On eût dit qu'à tout moment ils allaient disparaître, et leurs laborieux efforts les portaient toujours plus avant. Quelques minutes plus tard, ils prenaient pied sur l'île des ours. C'était Triple Flèche qui, avec Alice, avait parcouru le chemin qu'Alana leur avait tracé. Jack Carters, accompagné de Hankins et de quelques autres bandits, alla au-devant de la jeune fille et du jeune Ogalala. « Je savais bien, » s'écria Carters, « qu'Alana ne me tromperait pas. Ah, belle Alice, je vous salue. La nuit sera joyeuse, car aujourd'hui nous célébrons nos fiançailles. Et bientôt, » Carters accompagna ses dernières paroles d'un regard insolent, « ce sera nos noces que nous célébrerons. »« Vous vous trompez, Jack Carters, » lui répondit Alice d'une voix ferme. « Jamais nous ne serons unis l'un à l'autre. Osez me toucher, et la puissante amie sous la protection de qui je reste me vengera terriblement sur vous. Toute la nation des Ogalala se lèverait contre vous, et vous n'échapperiez pas au châtiment. »« Allons donc, » fit Jack Carters en levant les épaules. « Alana ne vous aurait pas rendu à moi si elle ne savait que j'ai de bons et légitimes droits sur vous, et que vous devez être ma femme. » Triple Flèche, à côté d'Alice, avait eu peine à se contenir en entendant ces paroles du bandit. il lui avait fallu faire appel à toute sa force sur lui-même pour conserver l'impassibilité de physionomie que l'Indien se fait un point d'honneur de déployer en toute occasion. Il vint se mettre devant Carter's, droit en face, et lentement, détachant bien chaque mot, il lui dit « Il n'est pas vrai qu'Alana ait promis de te donner la blanche fleur pour que tu l'effeuilles. La grande reine des Ogalala t'a seulement juré de te l'envoyer ce soir. Mais à moi, elle a parlé et dit « Triple flèche, reste à côté d'Alice, protège-la contre Jack Carter's et ne souffre pas qu'il la touche. » « Et je ne le souffrirai pas !» continua le jeune guerrier en élevant la voix. « Car j'ai juré devant le grand esprit de te fendre le crâne avec ce tomahawk, Jack Carter's, si tu étends ta main convoiteuse vers la blanche fleur. » Jack Carter's eut bien la tentation de massacrer sur le champ le jeune Ogalala, mais il réfléchit que dans ce cas il aurait affaire à toute la tribu. Il se contenta donc, en se mordant les lèvres et grinçant des dents, de lancer à triple flèche un regard flamboyant de rage. À ce moment, on entendit une voix crier « Alice ! Alice Enfield !» Et comme Alice se retournait étonnée, elle aperçut Lottie qui accourait elle, les bras ouverts. Les deux amis, car Lottie et Alice se connaissaient depuis longtemps, s'embrassèrent avec effusion. « Je savais déjà votre sort, » murmura Alice à son amie. « Alana, la grande reine, m'avait raconté que ce gueux de Hankins vous avait arraché à votre mari. Ne craignez rien, Lottie. Maintenant que nous sommes réunis, ces démons ne gagneront rien sur nous. » Cependant, Jack Carter's criait au bandit « Maintenant, nous allons faire la fête, mes amis. Puisque mon gracieux trésor est de retour, nous allons nous rincer le gosier d'eau-de-vie et passer une nuit joyeuse. Dressez une tente pour les deux femmes. Elles peuvent dormir pendant que nous boirons. Demain, de bonne heure, nous plions bagages. Quand nous aurons atteint le campement des Cheyennes, nous serons plus en sûreté, et alors, oh alors, ni ciel, ni enfer, ni Alana, ni aucune puissance sur cette terre ne m'empêcheront de faire d'Alice ma femme. » « Et nous célébrerons de doubles noces, » ajouta le métis Hankins, « car c'est au campement des Cheyennes que Lottie deviendra décidément mienne. » Alice et Lottie étaient déjà dans une tente, devant l'entrée de laquelle Triple Flèche s'accroupit, gardien qui réellement tenait les yeux ouverts et qui était tout à fait l'homme à écarter des jeunes femmes tout danger. Bientôt ce fut la fête dans l'île des ours. Les bandits se donnèrent un festin où l'eau-de-vie, en effet, coula à flot. La joie, cependant, ne fut pas de longue durée. Le vacarme des disputes et des rixes lui succéda. Puis, peu à peu, tous les festoyeurs de la bande de Jack Carter s'endormirent sur l'herbe du sommeil des réprouvés, et la petite fille du Ruby Creek fut pleine de leur ronflement. Seuls Jack Carter's et Hankins ne cédèrent pas au besoin de dormir. Ils se promenaient de long à large sur la grève et discutant ensemble leur plan scélérat. « Je ne supporterai pas la tutelle de la reine Alana, » déclara Carter's, « et dès que je serai dans le campement des Cheyennes, je ferai tout pour les pousser à une guerre avec les Ogalala. »« Excellent !» approuva Hankins. « Nous pourrons ainsi pêcher en eau trouble. » « Je sais de façon certaine qu'Alana possède de grands trésors, beaucoup d'or. Si nous réussissons à nous emparer de la reine, nous pourrons bien, par la torture, l'amener à nous révéler où sont cachés ses trésors. »« Hé, Jack Carter, ce serait une bonne affaire, la meilleure que nous ayons jusqu'ici faite ensemble. Mais quand veux-tu partir pour le campement des Cheyennes ?»« Dès que le soleil sera levé, » répondit Jack Carter, « nous nous servirons du gué qui va à la forêt. C'est le seul chemin par lequel on puisse sortir de l'île. » Je ne dis pas pied sec, mais sans se mettre à la nage. Il faut que je te dise franchement, Hankins, que j'en ai plein le dos de la vie dans l'Ouest, et si vraiment je réussissais à piller les trésors de la reine Alana, je m'en irais dans le Sud avec ma colombe blanche, Alice Enfield. Je m'établirais là-bas dans quelques villes où je vivrais en gentleman. Peut-être deviendrais-je un homme honnête et estimé, peut-être... Dieu me donne, la balle m'a rasé. Un éclair avait subitement brillé de l'autre côté du Ruby Creek, et une balle avait sifflé tout près de la tête de Jack Carter's. « Trahison !» cria Hankins au même moment. « Nous sommes surpris, Jack Carter's. Il s'agit cette fois d'un combat à mort, car à la lueur du coup de feu, j'ai vu distinctement là-bas le visage d'un homme qui a juré notre perte à tous deux. C'est Buffalo Bill et ses gens que nous avons en face de nous. » Hankins ne s'était pas trompé. C'était en effet Buffalo Bill et sa vaillante troupe qui se tenaient à la lisière de la forêt et occupait l'extrémité du gué, seul passage qui reliait l'île des ours à la terre ferme. Cependant, Buffalo Bill se fâchait sérieusement contre un de ses compagnons, lequel n'était autre que Tom Towners. Buffalo Bill avait l'intention de franchir le gué à petit bruit et, inaperçu, de tomber à l'improviste sur la bande de Jack Carters. Il avait pour cela ordonné à ses gens de ne pas échanger un mot et d'observer le plus grand silence. Mais les bons yeux de Tom Towners avaient aperçu Hankins de l'autre côté du bras de la rivière. À la vue de l'homme détesté qui lui avait enlevé sa chère jeune femme, Tom n'avait pu se retenir. Porter sa carabine à sa joue et faire feu avait été l'affaire d'une seconde. Malheureusement, son émotion était trop forte, sa main avait tremblé et la balle avait fendu l'air inutilement entre Hankins et Carters. « Par le diable, qu'est-ce qui te prend, Tom Towners ?» s'écria Buffalo Bill. « Vieux jeune homme, comment as-tu pu te laisser entraîner à ce point ? Maintenant, les coquins savent à qu'ils ont affaire et nous ne pouvons plus songer à les surprendre. »« Pardonne-moi, Cody, » répondit Towners tout confus. Mais je n'ai pu me contenir à la vue du coquin qui m'a fait au cœur une blessure mortelle. Ah, ma douce jeune femme, comment te reverrai-je? Je comprends ta peine, Tom, dit Buffalo Bill, en prenant la main de son vieux compagnon et en la serrant avec sympathie. Peut-être à ta place n'aurais-je pas fait autrement. Mais il s'agit maintenant d'ébaucher un autre plan. Car, je le répète encore une fois, nous ne pouvons, à cause de notre petit nombre, songer à engager sans autre cérémonie la bataille à découvert. J'évalue la bande de Jack Carters à 60 hommes environ, qu'il réunit au complet autour de lui, à quoi doivent s'être joints une 40aine de Cheyennes, de sorte que nous avons affaire à 100 ennemis. Nous, nous sommes 12. Ce ne serait déjà pas beaucoup si nous rencontrions ces chenapans sur la terre ferme, mais le corps à moitié dans l'eau, comme la défense du gué nous y obligerait, nous ne devons vraiment pas accepter le combat contre un ennemi si supérieur en nombre. Voyez comme tout est en mouvement, s'écria Joe Bevins. C'est dommage. Les démons dormaient tout à l'heure. Maintenant, ils ont pris l'alarme. Ah, ils nous envoient leur premier salut. Une grêle de balles s'abattit autour de Buffalo Bill et de ses gens. Par bonheur, aucun ne fut touché. Retirez-vous derrière les arbres, ordonna Buffalo Bill. Et lentement, les hommes de Ruby Creek reculèrent et cherchèrent un abri derrière les arbres qui formaient un épais rideau à l'entrée du gué. Les stupides coquins, dit Buffalo Bill en riant. S'ils avaient seulement le courage de nous attaquer pour nous prendre de deux côtés, ils nous anéantiraient. Mais la canaille est lâche. Elle attend toujours qu'il soit trop tard et qu'elle se sente prise par une poigne de fer. Et pourquoi attendons-nous, nous aussi, Buffalo Bill? Cria Towners en grinçant les dents. Pourquoi ne pas se précipiter dans le Ruby Creek et chercher à atteindre l'île des ours à la nage? Ah, si je le tenais, l'ignoble coquin! J'ai juré que je lui arracherais le cœur de la poitrine, et je tiendrai mon serment. Vous aurez le misérable, répondit Buffalo Bill à son ami en lui tapant sur l'épaule. Mais il faut attendre, attendre que le bon moment soit venu. Nous serions des fous si nous nous offrions à découvert aux balles de ces 100 fusils. D'ailleurs, j'espère ne pas tarder à régler mes comptes avec eux, aussi vrai que je m'appelle Buffalo Bill. Maintenant, attention, mes amis, continua-t-il en s'adressant aux autres qui l'entouraient. Faites bien ce que je vous commanderai. Où sont les barils de munitions qu'Alana nous a donnés lorsque nous nous sommes plaints que notre poudre avait pris de l'humidité? Voici les barils, dit Frank Stark en montrant 6 petits tonneaux que portaient autant de mules. Merci, excellente Alana, s'écria Buffalo Bill, de nous avoir donné cette graine d'où germe la mort. Nous allons nous en servir. Voyez-vous ces deux jeunes gens qui semblent placés comme des sentinelles à l'entrée du gué? Tous deux allongent et mêlent leurs basses branches. Vite, aux fourches de ces branches, mettez 3 des tonneaux de poudre et assujettissez-les de manière qu'ils ne puissent tomber. Les hommes de Ruby Creek étaient accoutumés à obéir à Buffalo Bill aveuglément. Ils firent donc cette fois comme les autres et fixèrent les tonneaux dans les branches d'arbres à un peu plus de la hauteur d'un homme au-dessus du sol. Maintenant, creusez ici, à l'endroit où je suis, reprit Buffalo Bill. Les 3 autres tonneaux viendront dans ce trou. Ah, ce sera une mine qui fera l'effet de l'enfer quand elle éclatera. Des fils soufrés, dont nous avons toujours une provision, relieront les 6 tonneaux et aboutiront à une mèche que nous tiendrons prête dans le bois. Au bout d'un gros quart d'heure, tout était fini. Buffalo Bill s'adressa alors de nouveau à ses compagnons. Frank Stark, Joe Bevins, je vous poste dans le bois, là où les mèches aboutissent. Vous les allumerez au signal. Elles doivent durer 10 minutes avant que la flamme n'atteigne la poudre. Pendant ces 10 minutes, nous ferons une fausse attaque contre l'île des ours. Nous fuirons, Jack Corters et sa bande nous poursuivront, et lorsque nous aurons dépassé la mine La Peau intacte, l'explosion se produira juste au moment où les voleurs se trouveront entre les deux arbres. Cet exposé les rasséréna tous, et Joe Bevins, le petit caporal, se frotta les mains en riant. « Je vais n'avoir pas 17 blessures dans le corps, honorablement reçues dans des combats contre les Indiens, si Buffalo Bill n'est pas le garçon le plus fin et la tête la plus claire qu'il y ait aux États-Unis, » dit-il. « Ah, je les vois d'avance, les bandits, lorsqu'ils seront à cet endroit et que l'enfer éclatera sous leurs pieds et se déchaînera sur leur tête. Ils croiront que la boîte tonnerre et aux éclairs du bon Dieu est tout à coup tombée sur la terre. Mais il ne faut pas que Hankins périsse de cette façon-là. » fit Tom Towners, « car je vais lui arracher le cœur du corps. »« Allons, Tom, » dit Joe Bevins en se haussant pour taper sur l'épaule de son camarade. « Tu n'as pas du tout besoin de t'émouvoir. La poudre en lui arrachera le cœur, en même temps que les tripes, et tu trouveras ce que tu veux tout fait, comme les gamins trouvent leur cadeau de Noël dans la rue. Mais si tu m'en crois, tu ne le ramasseras pas. Ce cœur de coquin noir hypocrite ne vaut pas la peine qu'on se baisse. »« Ce n'est pas le moment de babiller. » interrompit Buffalo Bill. « Au travail, maintenant. Joe Bevins, Frank Stark, à votre poste. Vous autres, suivez-moi. Mais si notre vie vous est chère, Joe Bevins, arrangez-vous pour que l'explosion n'ait lieu qu'au bout de 10 minutes. Autrement, vous pourriez nous faire nous-mêmes sauter en l'air. » Ayant dit ces paroles, Buffalo Bill fit un signe à ses compagnons et poussa le premier son cheval dans l'eau du gué. Sans hésiter, les autres suivirent l'exemple de leur chef. Les balles de l'ennemi ne tardèrent pas à les accueillir, mais Cody donna l'ordre de continuer d'avancer. À plusieurs reprises, il déchargea sa carabine, tout en sachant fort bien qu'il n'avait pas grand-chose à attendre de ses coups de feu. Le but qu'il poursuivait était simplement d'attirer l'adversaire hors de l'île. « Je n'aurais pas cru Buffalo Bill assez imprudent pour s'exposer à nos balles ainsi, » s'écria Jack Corters, triomphant. « Cette fois-ci, nous l'avons. » Une véritable pluie de projectiles tombait dans l'eau. Mais Buffalo Bill avait enseigné à ses hommes ce qu'ils avaient à faire pour ne pas être touchés. Dès qu'ils apercevaient dans l'île l'éclair du coup de feu, avant d'entendre la détonation, ils se jetaient de côté contre le flanc de leur cheval dont le corps les protégeait. De cette manière, ils restèrent presque tous indemnes. Deux des cow-boys seulement reçurent des blessures insignifiantes. « Attention, jeunes gens !» cria Buffalo Bill. « Il ne faut retourner car 5 minutes de notre temps sont déjà écoulées et nous devons passer l'endroit dangereux avant la fin des 10 minutes. » Buffalo Bill tourna son cheval, les autres suivirent, ayant l'air de ne pas pouvoir plus longtemps soutenir le feu de l'adversaire et d'être obligés de recourir à la fuite. Ils entendirent Jack Corters crier à tue-tête. « Poursuivez-les, après eux les gars, dans le gué et la forêt. On saura bientôt dans tout l'Arkansas que Jack Corters a mis Buffalo Bill dans sa poêle à frire. » « Pas encore, fanfaron, » murmura Cody, qui l'avait entendu. « Je crois que la poêle bouillante que je t'ai préparée sera moins à ton goût. » Et sans regarder à droite ni à gauche, il dirigea son cheval vers la terre, entouré de ses compagnons. Tout à coup, un des cow-boys cria. « Nous ne sommes pas au complet. Où est Tom Towners ?» Buffalo Bill le chercha devant lui et ne le vit nulle part. Mais en se retournant, il l'aperçut loin derrière. Tom n'avait pas exécuté l'ordre. Guidé par sa soif de vengeance et son désir furieux de tenir Hankins en ses mains, il s'était approché beaucoup trop de l'île. Le malheureux était perdu s'il n'était pas ramené tout de suite. Buffalo Bill le vit clairement. « Continuez, » commanda-t-il. « Dépassez la mine et retirez-vous dans la forêt avec Joe Bevins. Je vais tâcher de sauver Tom Towners. Le malheureux, il ne se doute pas de ce qu'il a fait en se laissant entraîner si loin. » Qu'arrivera-t-il si nous perdons le temps précieux pendant lequel il nous est encore permis de passer sur la mine sans danger ?» Cody éprona son cheval, qui d'un élan puissant se mit à nager vers l'île. Un cri d'effroi s'échappa des lèvres de Buffalo Bill en voyant qu'environ 80 Cheyennes et bandits avaient sauté à l'eau pour s'emparer de Tom Towners. Le mari de Lottie avait à plusieurs reprises déchargé sa carabine et abattu plus d'un ennemi, mais que signifiait cela devant le nombre écrasant de ceux qui l'entouraient? Déjà un gigantesque indien Cheyenne allongeait vers lui ses bras nerveux, déjà le sauvage allait le saisir et l'entraîner dans l'eau, lorsque juste à point la carabine de Buffalo Bill toussa et l'Indien, frappé au cœur, tomba dans la rivière. Mais 10 autres étaient prêts à se jeter sur Tom Towners. Il se défendait avec la crosse de son fusil. Il venait de fracasser le crâne d'un des assaillants lorsque des mains le saisirent par derrière et l'arrachèrent de sa selle. Mais déjà Buffalo Bill était sur le lieu de la lutte. Coup sur coup, il tira 5 fois, tuant 3 voleurs et en blessant un autre mortellement. Puis, lançant son cheval en avant, il réussit à délivrer Tom Towners des mains de 2 Indiens. Il enfonça son Bowie knife dans la poitrine de l'un des sauvages. L'autre, il le saisit à la gorge et l'étrangla de sa main. Il le rejeta dans l'eau qui compléta l'asphyxie et le Ruby Creek roula un nouveau cadavre. « Saute derrière moi !» commanda-t-il à Tom Towners. « Il est plus que temps si nous ne voulons pas être perdus tous deux. » Tom Towners ne se le fit pas dire 2 fois. Il fut bientôt en croupe derrière Buffalo et celui-ci tourna vers l'autre bord la tête de son cheval qui nageait vaillamment. Hurlant de rage, les gens de Jack Carter se jetèrent à leur poursuite. Cette meute d'ennemis qui aboyait à la mort derrière lui, leurs balles qui criblaient l'eau sans effet tout autour de son cheval, tout cela ne lui inspirait aucune crainte. Non, ce qui angoissait son esprit, c'est qu'il n'arriverait peut-être pas avec Tom Towners à temps pour franchir la mine. À son compte, il devait y avoir 8 minutes d'écoulées sur les 10, et il n'avait pas d'autre chemin, il lui fallait passer sous les branches qu'il avait lui-même fait charger de poudre. 1 minute s'écoula encore, ils avaient atteint heureusement la rive. « En avant, Buxin !» cria Buffalo Bill à son cheval en lui enfonçant les éperons dans les flancs. La noble bête s'enleva sous sa double charge, et d'un élan, elle passa par-dessus la mine et entra sous bois. Buffalo Bill entendit la joyeuse acclamation des siens, qui attendait à 100 pas plus loin, puis il regarda en arrière et... Le spectacle qui s'offrit à ses yeux lui parut, malgré son horreur infernale, comme ces mirages gracieux qu'évoque la fée Morgane. Entraîné par l'ambition de s'emparer du célèbre chasseur du Kansas, 70 ou 80 voleurs et indiens Cheyennes s'étaient élancés en une masse confuse. Arrivés ensemble sur le bord, ils se pressaient violemment, voulant franchir tous à la fois les 3 passages que formaient les 2 arbres et par lesquels on pénétrait dans la forêt. Soudain, un craquement formidable, comme si 1000 détonations éclataient d'un coup. La terre sembla s'ouvrir et cracher le feu de l'enfer, tandis que le ciel, de son côté, déversait le feu qui détruisit Sodome et Gomorre. Et dans cette mer de flammes, Buffalo Bill voyait les formes des voleurs et des Indiens déchirés, brisés, fracassés. Des choses qui avaient l'apparence de membres humains volaient çà et là et retombaient à terre, tête, bras, jambes et lambeaux informes arrachés du tronc. Un immense et unique cri d'agonie avait accompagné cette épouvantable catastrophe. Il trouva un écho tremblant sur l'île des ours, où étaient restés les débris de la bande de Jack Carters. Puis le silence régna partout à la ronde, le silence de la mort.